À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, il y a eu rassemblement, exposition de livres et de photos et séances de films en Norvège, séminaire sur les exploits, exposition de photos et séances de films au comité égyptien d'études des Zé du Juche, conférence et séances de films au cercle de la jeunesse d'études des Zé du Juche Kim Jong-il à Vienne, Autriche. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens, notamment Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée en présence du respecté camarade Kim Jong-un et Avenue des scientifiques Mirai.